c'est ça. Médiatique. Sportaz. Bon. Radio. Live. Tokyo Hotel, donc. Qui revisite cet avant-match dans quelques instants. Le direct live de Sport à 732, troisième match de la Coupe du Monde, commenté par le team Sportaz. Primacy in the world. Cup. Rugby. C'est Michael Youn. C'est Michael Youn qui, visiblement, retrouvait du peps. Ouais, du poil de la bête. Pourrait-on dire Argentine, Angleterre, Angleterre, Argentine, suivant de que vous êtes placé. Attends, finissez de vous installer. Ouh là là, mais il y a du nom du côté anglais qui me rappelle des sacrés sales souvenirs. Je dois le dire, il y a Bananan. Est-ce que Lionel, merci pour l'Argentine. Maradona se meurt. Kempest. Ouais. Combontampi. Ils sont tous là. Deux jours avant le 8 septembre avec des... Faudrait attention, ouais. À ne pas dire n'importe quoi, et ces animaux sont chassés. Ces animaux sont chassés de la tribune. Attends, ils devraient être protégés normalement, ils sont rares. Comme nous. Encore un peu sauvage. Ouais, lui, par contre, il a eu un problème de peau. Hein. Ouais, les arbitres, Jacques, on néglige, je trouve, personnellement, qu'on néglige salement le corps arbitral de cette compétition. Sur Remember, assisté de M. Camembert, assisté de M. Member. You are a member. Remember. Oui, car on est un petit peu fier quand même de cette victoire. Hein, juste ce qu'il faut, pas beaucoup plus. L'hymne national, je vous le laisse. Argentina. Don't cry for me, Argentina. On essaye au maximum le podcast en même temps que le stream, en même temps que les hymnes, en même temps que le direct, en même temps que la radio, en même temps que nous déjeunons à la vôtre. Bonjour, c'est Sporta 732, deuxième match de la matinée, en direct ce 10 septembre 2011, et c'est du 15, et nous serons là à nouveau demain matin. 10, 30, ils seront 30, soit 2 fois 15. Je retiens la radio, vous retenez le nom de l'émission. C'est un peu les deux, c'est Sportaz, c'est Radio Sportaz. Et c'est un hymne vraiment naze. Merci les gars, merci. On entend rarement l'hymne d'Argentine, là c'est dégueulasse. Il est mal rasé, lui. Oui, non, ça. En plus, ça, il a neigé, aussi. La pilosité. Ouais. Attention. Eh oui, ils pleurent tous. Regardez, ils ont les larmes aux yeux, les Argentins. Parce que, pour oui, tout mais... vous dire, ils ont les larmes aux yeux parce qu'ils n'ont pas eu le gâteau. Il s'agit d'avoir les armes du jeu, dans le jeu, même. Hein. Bravo, Jacques, bravo. Larmes aux yeux, armes du jeu. Oh, j'aime comme vous commencez ce commentaire. Magnifiquement. Je t'aime. Attention, l'hymne international. Oh là là. Ah, ça commence. L'hymne. Rugby pour tous. Hein. Liberté totale. Le rugby, c'est l'école de la vie. Technique minimum. Solidarité maximum. Responsable. À vos postes. Économique. Écologique. Argentine-Angleterre. La guerre des Queens, Malouines, pardon. En direct, love. Oh. Oh. Ali. Fuck me. En direct, love. Ali. on chante avant de déchanter peut-être. Avant des chantiers en tout cas. Ouais, alors là, Jacques, c'est du sérieux. Là, là il va y avoir du chantier, là, du gros lourd. On va faire des fondations, du béton, de la grue et autres déblayages. Oui, il va y avoir de la foundation. Avant qu'on voit du jeu, à mon avis, il va y avoir de la fondation, c'est-à-dire du rentre-dedans de l'homme qui se mâche, de l'homme qui se blesse, de l'homme qui se fait mal. Attention, serrez tout. Ah, oui. Jean-Loup, serre tout. Et serrez-vous. Voilà, serre-moi encore un café. Oui, alors, curieuse démarche des Anglais qui adoptent un maillot noir. Hein, alors que l'équipe de France a adopté le maillot des Anglais, c'est l'équipe vrai. D'Angleterre prend celui des All Blacks, qui eux-mêmes prendront celui du Japon cours du prochain match. Ce que disais entre les deux matchs, hein, les équipes se sont rapprochées hein, techniquement, même si nous n'avons pas vu encore l'Afrique du Sud et l'Australie, largement favorites aussi également de cette Coupe du Monde. Oui, enfin, moi je parlais du maillot, là, je ne sais pas ce que vous allez foutre dans l'histoire, allez-vous faire. Sous-entendu que les équipes se ressemblent puisqu'elles se rapprochent. Je me demande si ce n'est pas un congrès du Parti Socialiste, hein, quand même, là, auquel nous... Rose. Oui, avec la rose, là, je me demande si finalement François Hollande qui essaye de diriger, bien évidemment, ses troupes. François Auckland. Auckland. C'est Wellington bien. Ah, du côté, par contre, argenté, attention, Jacques, parce que c'est du sérieux, là, aussi. Oui, il n'y a pas là, le Diablo, il n'y a pas le Magnifico, il n'y a pas celui qui fait le Magnifique. Mais il y a quand même un grand joueur, beaucoup bourpif, beaucoup, avec Comban Tampi qui va donner le coup d'envoi sur un La. Jaune sur un La, hein, d'accord. Ok. Alors, pousse-toi, Kiki, time shifting dans quelques instants. Attention, Bon Tampi est là. Attention, L'Argentine, c'est... troisième de la dernière Coupe du Monde, hein, tout de même, souvenons-nous. D'où vous sortez ça, vous, là d'où vous avez les infos comme ça, là depuis quand? Time shift, attention, dans quelques secondes, je time shift, attention. Ah, ça, c'est son truc, hein, Jacques. Ouais, je te time shift, vas-y, on voit, monsieur l'arbitre, monsieur Remember. Ah, c'est les All Blacks contre le Racing Club de France, donc c'est les All Blacks contre le Racing Club de France pour ce deuxième match de Coupe du Monde de rugby 2011. Allez, nous sommes le 10 septembre. 12. Allez, on y va, Kiki. Tu nous as fait lever 4, à quelle heure là? 2. Connexion établie sur 9DC63. Donc nous avons le Wi-Fi de nouveau. On y va, allez. Eh bien, Jean-Louis. Attention, All Black, Racing Club de France, c'est parti. Là, c'est précis, bien sûr. Vous appréciez. 2 secondes, 3 secondes, 4 secondes. Oui, apprécions. Apprécions. 6, 7, 8, immédiatement l'emprise. 9, l'emprise est surtout 10, le. Voilà, hein, ça va. Ça va, Jacques, merci. 13. 14 et à 15, tu arrêtes. 15. Ouverture de balle pour les All Blacks anglais. Anglais, hein, bien sûr. Les All Blacks, alors. All Blacks, effectivement, Nevermind. Attends pour WAM. Après Masterchef, Nevermind. Masterchef. Et si vous avez affaire à faire. On aurait pu faire Monsterchef ce matin, mais on n'avait pas les bons produits pour ça. Moi, j'ai Mastermind, si vous voulez continuer. Si vous allez par là, j'ai juste la question, quelles sont les couleurs? Le Jockey Club de Venabo Tuerto vous invite à son cocktail après 21h. Attention, parce que cette partie devrait normalement nous enjouer. Oui, c'est vrai qu'on commence. Mais nous enjouvialer. C'est ce maillot noir là qui trouble un petit peu avec des numéros foireux. C'est un peu c'est perturbant pas, c'est parce que ça. C'est pas le black. Hein. C'est pour rappeler c'est qu'il joue à l'extérieur. Anthracite. Ah, anthracite. Ah oui. C'est vrai que c'est top of the pop un peu, effectivement. Ils sont clipesques là. Hein. On voit là Jean-Loup qui fait du. C'est pas le remix. Black, hein. C'est pas le maillot black. Tu vois, c'est un maillot un peu. Ah, il m'embrouille, ce enfoiré là, hein, il m'embrouille la tête. 732, hein, c'est Sportaz, oui, salut direct. 732 avec Johnny Peter. Johnny Peter qui loupe la balle, mais Johnny qui récupère. Y aura-t-il un en avant considéré par l'arbitre, monsieur qui n'est autre que monsieur, tu m'as dit? 4 personnes se trouvaient à bord du catamaran. Le... monsieur, 4 personnes se trouvaient à bord du catamaran. C'est un peu long, on avait dit monsieur Camembert. Oh non, ça c'est pas maintenant. Non, pas maintenant. Trop coulant. Il était trop coulant. Attends, un peu le repas quand même. Monsieur Catamaran, je préfère. Eh bien, vogue l'arbitre. Et vogue. Eh oui. Oh, quelle musique magnifique. Je vous invite hein, à vous délecter hein, pendant ce match. Nous avons subi bien évidemment les foudres japonaises dès 8h du matin. Alors là, ça va être un match de reconstruction, un match de récupération, un match de... De glas. Ouais, un match de glas, oui. Ça va sonner le glas pour une des deux équipes, hein, car là. Et là, par contre, il va y avoir du combat en mêlée. C'est pas France-Japon ou une des deux équipes. Ça m'embête de dire car là, tout de même. Hein. Dis-le vite. Ah, il y a quelqu'un? On a un buzz. Écoute-moi ce buzz. C'était une mêlée au bénéfice des Argentins sur une musique qui a été composée en 1964. Oui, qui n'est pas libre, contrairement à cette émission et cette radio. Ils ont juste contrôlé ma voiture pour vérifier. Oui, on n'est plus très libre, effectivement. De moins en moins libre dans ce monde qui se dit libre, libéré, peut-être. En tout cas, les Argentins libèrent le ballon et le récupèrent. Difficilement, mais le prennent quand même. Petit mol, mais assez grande délicat. Efficacité. Oui, tout petit mol, mais grande efficacité. Très bien. Alors ça, c'est leur jeu, ça, ils savent le faire. Hein. Les Argentins, il va falloir... Ils sont rugueux, ça, c'est vrai que... Ils sont rugueux, ils sont chiants sur les rucks, ouais. Ils t'empêchent de jouer rapidement. Ça va être leur combinaison du jour face à ces Anglais qui me bouleversent avec ce maillot-là qui me perturbe la vue. Anthracite, hein, comme on dit. Ouais. Très moulant. On dit entre-assieds-toi, Jacques, hein, pas entre-assieds-toi, on dit entre-assieds-toi. Merci. Revoilà le PS hein, qui tente de s'infiltrer dans l'UMP, il l'a déjà fait. Baissons le pantalon, hein, pour ne citer que lui. Ah, vous avez vu ce sigle du PS qui est apparu, Jean-Louis, on sait pour qui tu vas voter aux prochaines élections. Et touche pour l'Argentine dans les 22 mètres anglais. Eh bien, nous avons bien démarré. Hein. Ce match est parti sur de bonnes bases. Un bon petit tempo. Écoutez-moi, c'est sans voir. Allez, hein. Ah, ça ne manque pas de souffle. Et c'est parti pour l'Argentine avec une touche dans le camp anglais. Et puis là, voilà ce qu'ils savent faire magnifiquement. Il va se couvrir derrière ses partenaires. Mais là, il s'est isolé. Donc, il est obligé de se mettre au sol pour livrer le ballon. Ils n'ont pu développer la fameuse tortilla, la tortuga. Tortilla. Des bourgouaches. Ils n'ont pu le faire, mais ils vont bien évidemment essayer d'y retourner comme ici. Bastonnasse. Pour l'Argentine. Lionel Messi qui attend la balle. Lionel Messi, le numéro 9 ici. Ici, merci. Un concert toute l'année. Ah, il faut qu'il la donne, il faut qu'il la livre. C'est ce qu'ils font très bien, les Argentins. C'est vrai, conservation impeccable. Et quand on sait que ce sont des joueurs qui sont éparpillés partout à travers le monde et qu'ils jouent que très rarement ensemble, on ne peut que apprécier bien évidemment cette solidarité. Ils sont tous des mercenaires. C'est un petit peu ça, hein, le rugby argentin. Et puis surtout, ils n'ont pas de tournoi pour eux. Nous avons le 6 Nations. Les Nations du Sud ont leur top 14, 16, 18, 36. Et les Argentins n'ont personne avec qui jouer. Le Brésil ne joue pas au rugby. Ouais, le Venezuela n'en veut pas. Et il y a un essai argentin. Oh, un essai argentin n'ont pas longtemps. Non. Il y en a un qui a perdu les papiers. Là, il y a peut-être un essai argenton, mais pas argentin. Je pense qu'il y en a un qui a perdu les papiers. Alors que là, on tente l'im Alaya. Avec une belle prise de Teddy Riner qui tient bien son adversaire. Et les Argentins qui partent au ras. Avec la viande d'âge, on va y aller. Il y a une double confrontation stéréo, elle est cervicale. Malguine. Voilà, comme il est posé, l'autre. Là, c'est vrai que là, il est prêt à habiter en tout cas. C'est le head fucking, visiblement. Apparemment. Il met tout dedans. Et l'accouchement se passe sans couleur. Attention à cette. Solo, attention, il y avait un joueur qui va faire un solo, il va marquer tout seul. Argentina qui va marquer. Le clown. Pas mal. C'est fait surprendre, c'était joli. On voit des choses belles. Et sorti monsieur... de la balle l'intervention de monsieur en catamaran, c'est beaucoup plus sympa. Catamombert. Pénalité pour l'Argentine, que vont-ils faire? Oui, c'est notre deuxième match de la matinée, vous nous comprenez. Enfin, presque. Mais on est réveillés là, ça y est. Hein. C'est vrai que sur le premier, c'est pas facile, il faut le savoir. C'est assez redoutable. Mais là, ça y est, nous y sommes de nouveau. Pénalité pour l'Argentine et Mazador. Ça va plus. Un petit coup de pied. On a du monde qui nous rejoint. Tiens. Certains se réveillent. Mazados qui continue. Bien sûr. Ouais. Ils sont fidèles au poste FM. Au poste FM. Là, c'est tranquille. Avec le Racing Club de France qui a la balle. Magnifique Racing Club. Ah non, Jean-Louis, c'était un ralenti. Ouais. Tu nous remontres quoi? S'il y avait un essai, s'il n'y avait pas un essai. Ah, petit en avant peut-être. Effectivement, le ballon n'a pas franchi la ligne. L'essai ne peut être accordé et l'arbitre donne la pénalité aux Argentins. Je lis le message ou ça va sinon? On va attendre qu'on ait peut-être plusieurs et quelques temps reposant. Là, pour l'instant, nous sommes dans le début, l'intensité de ce match qui appelle une grande compétition, on va dire. Les deux premiers matchs que nous avons commentés sont de bon acabit, on va dire, dans le terme cabine, de rugby. Le bon acabit aussi. Et pour Mazados, petite info, qui souhaite que nous passions le 15 au niveau seuil auditeur, bien sache que ça a été fait largement au cours de la première confrontation. On ne peut que aller plus haut, aller plus haut comme le ballon qui passe entre les barres. Ouverture du score. Et ouverture du score pour le Racing Club de France qui mène face au All Presque Black. La lumière fut. Premier tir, premier point. Ça va vite hein, au rugby. Perron. Il y a Perron qui est complètement défoncé. Ouais, puis alors, elle a essayé de mettre sa jupe là, mais ça rentrait pas. Ah, renvoie des All Presque Black. Attends, je finis parce qu'il y a également Bast qui nous a rejoint. Bast qui nous souhaite, bon buzz. Oui, attention à Wilkie Soin qui donne ce ballon. Bien rasé, hein, Wilkie Soin. Bien rasé. Ah, rasé. Oh là là, mais attention, Argentina, Argentina magnifica, Argentina magnifica et penalita, penalitada contre la Junta Militara Argentina. Ah, Fotum merdum Angliteraus. Effectivus. Effectivus, Fotum merdum Angliteraum. Ok, ben un bandeau vert, hein, j'ai vu. Un bandeau vert, un carré vert sur un bandeau blanc. Bandeau néon, veut dire quelque chose, peut-être Jackie, J'ai vu des filles. J'ai vu des filles dans le regroupement. Je ne veux plus de filles dans le regroupement. C'est vrai qu'il y a des habitudes rugbystiques qui ont du mal à... À pousser. À passer. La passer. Ah, pardon. C'est une pénalité pour Argentina. Et dans ce domaine, ils ont des botteurs dignes de ce nom. Hein. Maradona, Lionel Messi, Mario Pompers. Kempest. Mario Pampers. Sur Tarantino. Que des grands joueurs loupés. En fait, ils étaient tous là. Attention, Bien concentré. Oh, t'as vu, maintenant, on met le ballon carrément en hauteur dans l'autre sens. Il y a quelques années, le ballon était incliné différemment, sans rien sur la pelouse. C'était à l'ancienne. Oh oui, c'est perfect. In the box. Non, juste à côté. Oh, what a pity. Jean-Loup, nous n'aimons pas cet angle. C'est vrai que l'angle était dégueulasse, hein, comme ton couscous, Jean-Loup, qui vraiment, il n'a jamais su faire le couscous, c'est dégueulasse. Puis bon, il a confondu pois chiche et hachiche. Et puis c'est pas bon à manger, et c'est pas bon à chier non plus, en tout cas. Vous êtes particulièrement dégueulasse, moi je vous l'ai dit. Pois chiche. Alors le ballon est par-dessus pour les Argentino. Oh mais comme il joue bien. Et là, il lui a fait. Il lui a fait la barre. Non, magnifique. Oui. Au sautogari aérien, il vient s'excuser. C'est dangereux. Il vient s'excuser, c'est dangereux. On peut retomber sur les fameuses cervicales dont on vous parle depuis ces matinales. Rappelle-nous, Jacques, où se situe la cervicale en amicale. Nous descendrons plus bas. Le PS hein, qui continue de nous abreuver de son sigle très discrètement. Oui. Et c'est assez curieux, hein, c'est la réalisation... mondial qui veut ça pour chaque équipe, chaque ralenti a son propre logo désormais. C'est assez curieux, je trouve. On est sûr que c'est la Nouvelle-Zélande hein, qui filme. On n'est pas sûr de tout. On n'est plus sûr de rien. Non, c'est vrai. Hein, on n'a pas toutes les infos. De toute façon, ça devient cher l'info. De toute façon, il y a trop d'infos, donc c'est compliqué. Touche pour les en black. Oh, les en black qui ont la black balle. Black Eyed Peas toujours. Yes. Il y a de la défense hein, du côté argentin. T'as vu, on consomme un ou deux joueurs, pas plus, sur ce qu'on appelle le ruck. Le ruck. Ouais, le rock and roll. D'accord, mais bon. C'est des mots anglais, après on va se plaindre que machin, bidule. Bien sûr, tu as raison. Est-ce que quelqu'un va dire 10 minutes de jeu déjà et 3-0 pour l'Argentine? Eh bien, je l'ai fait, donc ce n'est pas la peine de le répéter. A tout à l'heure. Passe-t-on, Jackie. Ben Laden, peut-être. Lendl. Ben Lendl. Ben Lendl. Ancien joueur de tennis reconverti dans le golf. C'était une terreur, ce circuit. Qui est beaucoup. Oh, attention, négociation. Tu as une raquette en cachemire. Négociation. Alors, pour les primaires, il y a un emmerdement. On n'a pas assez de tickets pour le vote. Qu'est-ce qu'on fait ? Martine Aubry. Je ne sais pas. Oui, Martine Aubry. Mais non, parce que pour les primaires, on a bien les urnes ici. Passe par la gauche. Okay. Petite négociation syndicale. Là. Ouais. Il est là, hein, Rompo. Bon repos. Bon repos, pardon. Bon repos, donc, dans que je l'autre. Salue. Que se passe-t-il sur un plaquage à retardement ou plaquage haut, plaquage haut, plaquage haut, plaquage haut. Là, le fruit était. Ah oui, le verre est dans le fruit. Là, il a essayé de lui planter la tête dans la pelouse. Plaquage haut, il en a perdu une moitié du numéro. Là. Attention, donc c'est Johnny. Hein. Non, attention. Johnny. Quand même des gestes dangereux et la mort est dans le pré. Hein, pourrait-on dire tout de même, pour rester sérieux, il y a eu quand même quelques déconvenues de certains rugbymen qui n'y sont pas. Hein. qui n'ont pas survécu. Non, non. Rappelez-vous, la Fondation Ferras fut peut-être en France la première association qui s'occupa des malades et autres handicapés issus du rugby, car le rugby était quand même un jeu et de combat et dangereux. Et bravo. Pénalité pour Johnny Wilkisson. Wilkisson. Wilkisson. Hein. Wilkisson. Ah. Wilkisson. Attention. Hein, il fournit en information en permanence. Wilkisson. La préparation habituelle du botteur en black, hein, c'est les angles black. C'est vrai que le match Twitter de ce matin nous a modernisé un peu plus avec Wilkisson. Wilkisson maintenant, regardez, il tente, et lui, c'est bon. Lui, c'est pas un tocard, c'est pas le charlot, c'est pas le balstringue, c'est Wilkisson. C'est deux points, deux poteaux, deux derrière, deux devant, il rentre. 3-3. On nous donne quelques noms de joueurs là, des infos et des noms de joueurs. Il y a Champomy qui joue du côté argentin. Champomy, bien sûr. Côté argentin. C'est un bon degré, effectivement, de Canaille. Allons-y. Oui, allons-y. Champomy. Et j'ai Marsico, il joue en devant, il joue pas Marsico. Ah, je vois qu'il y a quand même une certaine culture sportive chez l'auditeur. Ah, quand même. La planète Marsico. Pendant ce temps-là, ça sert la balle, ça sert les fesses un peu du côté anglais. On a égalisé, certes, mais on est sous la pression argentine. Non, c'est bien Argentine. On a plus l'habitude de l'entendre. Malouine, Verrine, l'addition. Excuse-moi, je vérifie les messages. C'est Sam First qui nous demande et Marsico. Voilà, ça y est, c'est fait, j'approuve. Hein, et on revient au jeu, s'il vous plaît. On est tranquille, de toute façon c'est le second match, hein, vous le savez, hein. il faut y aller maintenant très doucement, notre santé en dépend, notre santé mentale en particulier. Touche pour l'Argentina. Argentina. Récupération. Mi amor, Argentina. Bien, Argentina. Impact, mais pourtant il a... Attention à être pénalisé du côté anglais, si on ne se sort pas, si on empêche le ballon de sortir rapidement, et oui, si ça continue comme ça, on va être pénalisado, sorti du ballon par Argentina, avec Pompompero. Oui, on fait la queue. Pompon Perrault qui livre parfaitement à Jean Dominguez. Champomy qui balance le bouchon le plus haut possible. Apple Under, elle a fait péter la boute. Non. Ah, l'arbitre est généreux pour les angles black. Je le trouve assez. Ouais, les angles black. Hein, black angle. ça fait un peu publicité pour les black. Les blackés. Avec le PS toujours sur la pelouse, donc le Parti Socialiste qui organise les primaires en cette Coupe du Monde ici en Nouvelle-Zélande. C'est particulier, ça va être difficile pour aller voter, mais pour l'instant, ça joue correct entre les différents prétendants à la place finale. Je t'appelle sur le 09-438-438, c'est gratuit. Entrée littéraire. C'est pas très lisse. 13 minutes, 13 17 et 18 et 20 secondes. Oui, mais à 3-3. De jeu 3-3, oui. Alors là, contre ça, on ne peut rien. Oui, c'est de la Ligue 2. Mais bon, pour l'instant, on voit autre chose quand même que du France-Japon. Oui, mais il n'y a pas eu véritablement d'action proche de l'embu, donc d'essais possibles. Attention à la sortir, c'est ballon par les Argentins. Je te retrouve derrière l'église. Sois coquine. C'était Black. Oui, c'est Black. Il l'a bien pris. Il l'a pris, il a attendu qu'il ait le pied au sol. Et justement, au moment où il a l'appui, il est le plus faible. Et c'est là où tu peux l'éclater. J'ai éclaté la rotule et le pancréas. Le ballon est sorti pour les Anglais, tout de suite. C'était Black. Et ça joue derrière. Ça joue devant, ça joue derrière, ça joue partout dans ce chalet magnifique inauguré en grande pompe ce soir à partir de 19h avec flûte et coupe. Chalet Malakoum, enfin les flûtes, on a l'accordéon au cas où. Alors récupéré par l'Argentin, oui, c'est Jean Mermoz qui s'était envolé par-dessus la défense anglaise, mais qui a été immédiatement repris. Champomy qui revient à l'intérieur, il est suivi, Champomy pourtant, il pétille, Champomy dans son jeu. Il est crémant. Sortie tranquille, pas vraiment, on conteste le ballon et normalement c'est infaisable. Ça, l'arbitre a dû sanctionner les Anglais, mais les Argentins continuent à jouer et à progresser. Quelle bataille féroce, c'est vraiment la guerre des Malouines, ici en direct de Moularbourg. C'est vrai qu'il y a toujours une confrontation teintée de culture politique, que dis-je, de culture guerrière, que dis-je, de conflits internationaux dessous. Oui, enfin je sais pas où on est finalement, on est à quoi, Auckland, Wellington, Dunedin Et Thatcher d'Orécouche. Le ballon est-il sorti pour les Argentins et pénalité. On est allé au-delà de ce qu'il est autorisé de faire du côté Angle Black. Et ce sera donc une pénalité au bénéfice de Argentinos. 3-3. Les gauchos sont là dans la partie. Les gauchos ne lâcheront pas. Les gauchos, allez les gauchos. Equality. Oh là là, Pompon Perrault, il a ramassé. Hein. Oh là, ils ont tout éclaté la cervelle à Pompon Perrault. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Jean-Louis, ça saigne de partout. Le bœuf est touché. Ah ouais. Oh non, non, non, non. Oh, il a mis la tête. Ils ont mis la tête comme une... oh non, Jean-Louis, vous avez peinturluré ça comme un salaud. Ouais. Hein. Je pense que les Anglais ont mis de la sauce barbecue là, sur le bœuf parce que... D'habitude, ils le font bouillir, non, c'est la sauce à la menthe, mais là, non. Hein. Oui, mais il faut dire que le bœuf argentin est une réputation mondiale, je peux vous le confirmer. Oui, car, rappelle, tu peux rappeler, Jacques, hein, ce que tu as fait en Argentine. Non, la jolie fata, non, quand même. La jolie fata, oui. Si, dédicace à Radio La Colifata, d'ailleurs, voilà. Qui, depuis quelques mois, diffuse en direct leur programme radiophonique. Hein, ceux qui connaissent et ceux qui ne connaîtraient pas, allez-y voir Radio Colifata, il se passe des choses sur le web. Rien qui est fait pour la petite promotion sympathique. Voilà, quand vous avez des produits intelligents, vous avez raison de les envoyer. Qu'est-ce qu'il fait là? Le maillot vert qui va rentrer, donc non, meilleur sprinter. Que... Pourtant, il n'a pas vraiment le look. C'est vrai. Plutôt, une fois de plus, haltérophile. Racing, Racing Club de France. Et on regarde ce qui s'est passé. C'est là. Pour l'instant, jusqu'ici, tout va bien. Oui, Jean-Baptiste Lafont. A-t-il pris un coup de pompe sur le crâne? A-t-il pris quelque chose? C'est difficile à voir. Jusque-là, c'est pas la tête, tout va bien. Et c'est ensuite. Alors, que se passe-t-il? Oh oui, ici, effectivement. Un coucou de pied, petit coucou de pied malencontreux. Sur la boule, et bien sûr, il ne l'a pas perdu, mais il a perdu un peu de sang-quête. Et du coup, il y a la transformation loupée. Ça fait quand même 6 points laissés en route par le jeune buteur argentin. Et ça, c'est pas bon du tout, ça. Oui, mais bon, il butine, si je puis dire, en ce début de carrière. Mais c'est dommage. Je pensais que c'était plutôt Champomy qui était chargé de buter du côté argentin. Mais visiblement, on a changé les champs. Non, et les plans. Peut-être récupération Eva Perón avec Dieguito qui est pris maintenant par tout le monde veut lui arracher le maillot, le ballon, l'autographe, et ça relance avec Champomy cette fois-ci qui trouve le bon angle. Champomy, mais qui ne perturbe pas la défense anglaise du tout, qui peut se relancer with Johnny Wickison, pas tout seul. C'était joli. C'était très joli cet envolé de joueurs, ce saut synchronisé dans l'air. Pendant ce temps-là, c'est Buenos Aires qui très malin, cheval. Très bien. On essaie d'occuper le terrain. Hein, de repousser les Anglais. Héritage qui part, c'est Héritage. Héritage qui transmet magnifiquement. Voilà, on trouve peut-être l'ouverture du côté anglais, mais non. Non, on conserve le ballon. Rage. Et derrière, ça joue tout seul. Hein, derrière, depuis, ça fait bien 5 minutes que ce morceau s'est installé dans l'émission, sans rien dire à personne. Tu veux, hein. Et les Anglais, une fois de plus, pénalisés. C'est terrible ce qui se passe ici, à Dunedin, à moins que nous soyons à Auckland, en passant par Wellington. Vous êtes des garçons, j'ai vous. Ouais. En tout cas, ce sont des garçons qui jouent, quel que soit l'endroit où ils jouent. Enfin, oui, une fois de plus, cette publicité pour le Parti Socialiste Français, avec François Rebsamen, qui perdit de la balle là. C'est mal joué de la part des Anglais, c'est très mal joué. Aux manettes, puisqu'il est l'entraîneur en chef de cette formation anglaise et du coup on change il de buteur. Il est australien d'ailleurs. Ah non, du tout, non. Belge. Congolais. T'as faim ou quoi? Un petit gâteau pour Jacques. Un petit chocolat. Gâteau à la noix de coco, s'il vous plaît. Ah oui, voilà, on change de buteur. Hein, parce que du côté argentinien, on a déjà laissé 6 points en route. Et ça n'est pas bon. La bombe atomique. Con de promis. Champomy, c'est Champomy. Bon, tant pis, comme tu veux. Auditeur, non, ça fait Marc. Quoique Champomy, c'est pas terrible non plus. En termes de pas de. Allez, vas-y, Coco, mais, voilà, pique-toi et tu te loupes aussi. Oh là là. Mais merdoyer. Oh, il merdoie tout. Parce que si le bœuf argentin est bon, le buteur argentin est pitoyable. Ils ont pas joué comme ça en 2007, quoi. Ils ont foutu la race en France. On a bouffé de l'argentin du début jusqu'à la fin. Après, qui t'en a, là? Hein, la Coupe du Monde 2007, je suis resté sur ma faim. Ah, ça y est, il revient, on lui a changé la peinture, on lui a mis de la peinture blanche sur la tête pour masquer, bien évidemment, le trop-plein de ketchup qu'avaient déversé les Anglais sur le bœuf argentin. Ouais. Regardez ça, si c'est magnifique. Pour masquer nada, hein, un peu de béchamel. Et on fait sortir, regardez s'il est mignon. Regardez cette course alerte. Ouais. Ah, les 40e rugissant. Il avait quelque chose de souple malgré sa corpulence. Ouais. Je me demande s'il... Clooney. Georges Clooney. avec un magnifique danseur de tango là, qui essaye de repartir. Oh, il repart, il n'a pas pris, ça s'est pris dans la tronche. Il s'y remet. Il est quand même complètement fou ce pompon perro. Oui, mais les Argentins ont la possession de balle. Jacques, ça, tu as bien fait. Tu sais que tu as bien fait de le dire, ça. Qu'est-ce que tu fais en même temps? On entend des petits bruits derrière. Je regarde mes fiches. Oh là là, une fois de plus, les Anglais sanctionnés. Pour tout vous dire, nous ne sommes pas ensemble dans le studio avec Jacques. On nous a séparés. Parce que sinon, ça allait trop mal. On me demande où est Patrick Hernandez. Mazados nous demande où est Patrick Hernandez. Sur la piste disco. Very. Disco. Sur la piste disco. Very. On regarde ce qui s'est réellement passé. Alors, Champomy qui échappe à tout le monde, je le trouve tout à fait pétillant. Effectivement, là, il doit le lâcher. Il est au sol, il doit le lâcher. Alors, l'espèce alors. De... Oui, oui. Oh, manette. Fait chier, merde. Qui n'aime pas les cravates, hein, ça se voit. Oh là là, qu'est-ce qu'ils se mettent tous. Les Argentins finiront pas le match en entier. En plus, c'est lui qui est chargé de buter. Regarde-moi la mule anglaise. Oh là là là, même les numéros en pète tellement ils écartent le fibre du maillot, tellement ils sont costauds. C'est assez terrible. Ah ouais, oui, les maillots sont délabrés. Jacques vient de se trouver un petit adjectif sympathique. Et finalement, il se l'associe à la saucisse. Allez, encore un baisser, oui, Médic. Ouais. Médic et Belle et Sébastien, pour ceux qui vivent encore. Patachou, non ? Et on rechange de buteur. Et Patachou pour tous. Ils sont quand même assez curieux du côté argentin. Effectivement, celui qui était chargé de buter s'est fait soigner. Celui qui a loupé reprend du service. Au moins, est-ce que ce soit un joueur de bandoneo ? Ah oui, mais c'est lui, hein, c'est Diego Merci. Ce regard. Lionel, cette fois-ci, c'est là, oui. Là, cette fois-ci, c'est oui. Ah, c'est oui, Coco. Même. Non, oui, oui. Oh non, oui. Si. Ah, ben dites-le. Ils sont cons, ces arbitres. Ils attendent que le ballon soit retombé. C'est flippé, quoi. Goal argentin. Enfin. Et l'Argentine reprend les devants puisqu'ils ont déjà mené 3-0, 6-3. Un avion qui essaye d'atterrir. Attention, on est proche du 11. C'est ma forme. Et là, on est le 10. C'est déjà demain, 10h30, Afrique du Sud. Pays de Galles. Oh là là. Pays de Galles. Sud Galles. Afrique du Sud Galles. Sud. C'est assez difficile à dire et à penser. Récupération du ballon par brouillage. Ouais, brouillage télé pour nous. Nelson. C'est sorti pour les Anglaques. Les Anglaques ont la balle. City Bird qui se fait légèrement prendre en cage. City Brahim. À la tienne. Alors, on est tranquille. British, City continue, ça va mal finir. British ici, qui l'a la balle. Le British est secoué, bien sûr, il se doit de montrer autre chose que ce que nous avons vu jusqu'à maintenant, lui aussi. City. Ouh, il s'enfonce. Il progresse. Cherche la passe. That's all, will you with me? Will you with me? No, I went to your wedding. Organized. Yes, if you want. Organism. If you want his... he's back. If you Cannibalism. Want, he's back. He's repoussed. Bernard repoussed. Hey, ça continue pour les British avec le capitaine Trafalgar. Le capitaine Trafalgar qui transmet magnifiquement. Voilà la grande cavalcade anglaise avec l'héritage. L'héritage qui se fait secouer par toute la famille argentine et le ballon est toujours dans les mains anglaises. On cherche Nelson. Nelson! C'est bon, Wikisson. Oui, c'est bon, mais ça n'a pas vraiment efficace ce qui se passe. Et j'ai même l'impression que l'Argentine a failli récupérer la balle. Avec Johnny V qui perd le ballon. Les Anglais qui s'installent, on va dire, un tout petit peu dans le camp. Longtemps, pas Jantan, regardez ça, Jantenball, ce sont les Argentins qui récupèrent le ballon. Jantenball! Énorme! Après, Jantenball. Ah, quel magnifique dégagement de Champomy. Champomy qui récupère la touche. Bonne défense. Hein. Ouais, Jacques est tranquille. Hein. Jacques cuisine en même temps, réalise, produit et anime. Ah, si vous voulez un homme complet, madame. Et qu'il n'y a pas de blé. Mais qui rit. C'est une touche. Une touche au bénéfice des Anglais qui sont obligés de se regrouper pour se remettre en état de marche. Ça va mal chez eux aussi. Sinon, du foot américain, hein, sur plus sport. Il y a du sport partout maintenant, à la télévision. Tout le temps même, on pourrait dire. L'écran devient sportif lui-même, à force d'en passer, la télé... Mais en fait, avant aussi, il y avait du sport tout le temps, mais on ne le savait pas. Ah bon ? Là, tu m'inquiètes terriblement. Les Argentins contents, bien évidemment. Ce sont les médias qui rendent visible l'invisible. Attends, je trouve que pour des gentlemen, il s'agit de beaucoup. Oui, madame, oui, mais essayez de quitter le chalet parce qu'il fait chaud déjà comme ça naturellement. Donc essayez de ne pas en relancer. Nous allons relancer le ventilo d'ici quelques instants, mais pour l'instant, tout va bien. Tout va bien. Nous avons le ballon, mais pas le bras long. Oui, récupération argentine. Là, il échappe à tout le monde. Oh, le grand fou. Oh, 6-3 hein, pour l'Argentin, oui, c'est oui, ça oui, 6-3. D'accord. Genre, que du coup de pied, bien évidemment. Ce qui nous laisse un peu sur notre fin. Ouais, mais ça ne fait que commencer dans cette confrontation féroce. Sur notre fin jeu. Je vous ai mal, Louis. Ouais. C'est dommage, ils ont perdu la balle, les Argentins, sur un contact féroce. Et qu'est-ce qui se met très dur combat. Oh là là là là, ouais. Oh là là, ça continue là-bas. Le combat est sur toutes les zones du terrain. C'est assez fantastique. Black appui. Oui. Et Becker, oui, là aussi, en avant, quel bordel sur la pelouse, tellement les hommes se rentrent dedans qu'ils en perdent la balle. C'est terrible ce qui se passe ici à Dunedin et Wellington réunis. La force tasse. Oh, joliment fait de la part des Argentins avec Guillermo Villas qui tente maintenant le passing shoot, mais qui ne passe pas. Et ça continue du côté des Gauchos. Les Gauchos à l'attaque, oui. Oh, quelle belle prise. El Gringo. Oui, El Gringo est là. El Gringo maintenant avec Eva Perone. Constitution, qui s'est fait mettre le tibia tandis qu'on opère sur la pelouse. Hein, le rugby, c'est ça de particulier, tu vois, ils opèrent en même temps sur la pelouse. C'est vrai qu'ils font un feuilleton en même temps qu'ils font un match de sport. C'est vrai que le rugby se modernise, et marketing est tip-top. Twitter. Le rebond chanceux pour les Anglais. Et tout va bien sur cette pelouse où ça s'agite à mort. Donc on va essayer d'arrêter de commenter ça parce que ça m'épuise. Oui, ça m'épuise. Oui, d'accord. C'est surtout le score qui ne bouge pas beaucoup. Enfin. On va dire le sport n'est pas honoré tout à fait comme il le devrait. Ouais, Mazados qui insiste sur le côté délabré des maillots que moi je trouve rayé plutôt que délabré. Voilà. Je confirme donc 25 minutes de jeu, 6-3 pour l'Argentine. Je viens manger maman. Alors c'est ça l'équipe de France de foot. Oh là là, comment il se balade. Mais comment il s'appelle. Bonne passe tout de même après avoir pris un carton. Héritage, il se fait bien prendre chaque fois aux chevilles. C'est vrai. Et il va pas plus loin. Mais il y a de l'appui. Il y a de l'appui. Il est mal retourné, le joueur anglais. Un an pénalité contre les Argentins, signalé par monsieur. Je rentre en catamaran. On cherche à faire l'appui et le beau temps. Ce sera le beau temps qui l'emportera. Ouais, pour l'instant. Tant mieux, le beau temps, le beau jeu. Le beau petit pet. Jackie, vous êtes complètement agité quand même du pub. Vite, envoyez la musique. Jacques. Nettoyage sonore. Oui, parce que là, il fallait enlever quelques phrases précédentes. Alors qu'il y a un joueur argentin qui ne se remet toujours pas. Hein. C'est-à-dire visiblement, il a mal, il a beaucoup. Il doit se remettre à la police. Je ne sais pas, mais il a du mal à se relever. Merci. Hein, la justice, dit-on. Nous approuvons tous les messages, hein, de toute façon. Sauf ceux qui viennent d'Angleterre. Aïe. Le ballon est en touche, bénéfice des Anglais, mais cette fois-ci, en plus, ils vont perdre leur stratège. Là, c'est pas bon. Il est enceinte, c'est sûr qu'il ne faut pas jouer enceinte, là, madame. Effectivement, madame, là, ça n'est pas bien. C'est dangereux pour le bébé. Ne buvez pas, ne fumez pas, ne jouez pas au rugby si vous êtes enceinte. Contrairement au petit cerveau de Philippe Lefebvre, le taux de natalité, quand même, c'est quelque chose qu'on apprécie. Tout de même, les naissances, on espère que demain, l'humanité continuera d'espérer des naissances, même s'il faudra bien les limiter. N'est-ce pas ? Prise de balle intéressante pour l'Angleterre. L'Angleterre, attention. Fais-moi l'Angleterre. Oui. L'Angleterre. Jean-Louis Angle. C'est l'Angleterre, là. Hein, un peu, là, oui, on s'écroule. L'angle obtus, l'angle aigu, mais là c'est l'Angleterre. Et ça, chamaille, ça y est, on s'écroule maintenant. Ouh là là. Voilà. Ouais, regarde, on fait de la brasse. Oh là là, ouais. Du crawl. Du crawl, voilà, tiens. Voilà, du basket. On se prend, on s'embrasse, on tient. Voilà. On s'embrasse, et là, arrête, il va. Mais touchez pas les maillots, c'est le maillot de l'Argentine. C'est le maillot du cœur, du corazon. Mais touchez pas les corazons. Love. On the but. Ouais, mais non, pas on the but. Je l'attendais, mais non, nous ne sommes pas au foot, Jacques. Non, merde. On a tellement d'ISF. Quelques joueurs sont assujettis à l'ISF, bien évidemment. Alors, regarde ce qui se passe. Il lui a embrassé l'œil. Regarde, il lui a fait la bise à l'œil. Ah, oh, c'était magnifique. Le bisou. Rejoins-moi derrière la faculté à 8h. Yankee. S'il vous plaît, remettez-vous, messieurs. La mêlée est instable. Droite, le dos. Dans les yeux, la mêlée. Allez. À mon avis, il va y avoir du bourre-pif dans pas longtemps entre les deux packs, du chamaillage généralisé. Je pense que... Oh, Jacques est sérieux. Non, je réfléchissais au fait qu'il n'y a pas eu de joueurs Pas suspendu, bien sûr, car on ne suspend plus les joueurs par les pieds, comme à l'époque, quasiment moyenne. C'est bien dommage, c'est bien dommage. Mais il n'y a pas eu de joueur qui est sorti pendant quelques minutes, hein, c'est ça? Ils peuvent. Oui, l'expulsion temporaire. L'expulsion temporaire. Ouais. Est-ce que Jean-Louis vient de se signer, hein? Jean-Louis, fais attention à ce que tu fais, Jean-Louis, tu viens de te signer. Expulsion. Et je vais demander donc à Jacques un chiffre officiel, est-ce possible de me le donner, s'il te plaît. J'en ai besoin, hein. Tu sais que nous devons rendre des comptes aux huissiers pour savoir si effectivement tout ceci est bien nécessaire. Moi, je vois 13, mais je vais vérifier, puisque nous avons une double statistique stéréo pour le côté gauche et pour le côté droit. Nous recoupons les informations, bien évidemment. Bien sûr. Nous sommes des professionnels. Des pros. De la fuite. Ce sera donc une pénalité pour le PS. On va regarder ça. Le PS, c'est pas le PO et c'est pas le PA. Oui, c'est le PI. Ah, c'est très bien, c'est très bon. Je PU. Attention, Johnny, Wilkinson, Vickinson, hein. Donc En forme. Ouais, l'abreuvoir à son joli Wilkinson. Oui, oui, qui fait beaucoup tourner. Mm-hmm. Les têtes aussi, d'ailleurs. Attention, parce qu'il pourrait mettre l'Angleterre à égalité. Il va le faire parce que lui, il sait le faire. Non, la malédiction. Alors là, la malédiction, nous booteurs. Problème de connexion, le Bluetooth n'est pas. si, justement, le Bluetooth. Terriblement. Et il n'en revient pas, le commercial anglais, il n'en revient pas. Comment j'ai pu perdre la mallette? Ah, notre 10 anglais n'est pas en forme, du coup, je me dédie. Je me dédie. Pour être très exact, les Argentins vont pouvoir relancer cette partie. Ils mènent toujours 3 avec 2 ballons. 2 ballons maintenant, c'est peut-être possible d'inventer quelque chose de bien sans le montrer. 2 ballons sur la pelouse, il faut en renvoyer un. Le Racing Club de France va repartir à l'attaque. Attention, 5, 4, 3, 2, 1. Mmh. C'est reparti entre le Racing Club de France et les All Blacks. On montre la brasse, hein, car effectivement... Il faut redonner du goût à ce jeu. Comment tu dis ? Un peu plus de goût, les gars. Ouais, non, voilà, du fumeux. Pour tout vous dire, on fait autre chose en même temps. On fait les courses en même temps. On va pas vous mentir, on est au supermarché pour midi, car on n'a rien à manger. On vous commente ça depuis le rayon. Ouais, frais. Conserve. Ah. Ballon récupéré par l'Angleterre. C'est une balle, c'est ça la contre-attaque. Il a tout pris. Muraille. Il a tout pris sur la tranche, Vickinson. Il ne faut pas aller chercher ce ballon, sinon on sera pénalisé du côté argentino. Le Racing Club d'Argentine. Une ablation de jambes. Une amputation, exactement. Féroce du docteur Petiot dans ce regroupement. On a sorti le jambonneau, il est là, il est costaud, il est goûteux. Tout le monde en veut pour la sauce, pour Edge. Vous repasserez pour la sauce, et pour l'instant, les Anglais ne progressent pas. Les Argentins sont féroces en défense. Ouais, avec Beatles. Beatles Juice. Beatles Juice, bien évidemment. Ouais. Recuperation pour Maradona. Maradona, qui finalement dans un partenaire qui va dégager et qui le fait parfaitement mal. Toutouche. Oui, petite toutouche. Hein. Ouais, là, touche. Tu vois, les Anglais ne la jouent même pas vite. Ils pourraient s'amuser à la jouer rapidement, mettre le feu un peu sur la pelouse. Eh bien, non. Non, il n'y a que le japonais pour faire ça. Il n'y a que la jeune équipe frêle et fraîche qui peut se permettre ce genre de petit engagement sympathique. Sinon, les autres grosses formations, voilà, jouent le truc naturel. On calme, on se pose, on se met en ligne, on joue notre partition, on s'emmerde. Problème donc de performance pour les équipes attendues. Est-ce que les équipes attendues ne sont pas un petit peu plus tendues? Chez vous, hein, répondez à cette question. Le tendu. Il y en a une autre qui est présentée comme une niche. Et... Une niche. Nichier. Une niche ou une niche? Je n'ai pas très bien entendu. Sortie des balles par les Anglais avec Trafalgar Square. Trafalgar Square qui a vu passer. Le Boeing argentin. qui était à vide. Mais il la récupère. Oui, mais la chouchoune. Oui, mais nous aussi, on en a eu tout à l'heure. Pardon. Tout le monde en a à un moment donné. Dans son jeu, dans son match, dans son équipe, tout le monde a la chouchoune à un moment donné dans la partie. 14, bientôt 15. Ça monte. Et acheter du Sportaz, hein, c'est le moment, ça va. C'est accessible. Oui. C'est encore un produit de pauvre, hein, Sportaz, ça pourrait ne pas le rester, faites attention. On a vu qu'on peut voter pour les primaires, là, bien nommé d'ailleurs, parce que les discours dans ces primaires sont assez primaires côté PS, on voit, vous pouvez voter donc. Oui. Voter en touche. Hein. Ouais. Voter Lipton, si vous le souhaitez, bien évidemment. Aussi, bien sûr. Attention à cette bonne petite balle anglaise, elle est contrée. Non. Voilà, alors que je vois une tête, oui, j'avais vu une tête argentine. Ah. Et oui, alors là, on considère qu'il y a un passage un petit peu devant, donc c'est pas bon, mais tu as vu la feinte argentine, on met un casque au milieu pour faire croire que c'est le ballon, et les Anglais sont perturbés, et du coup, ils se mettent à la faute. Bien joué de la part des Argentins. En plus, c'est un ballon de foot, hein, oui, c'est oui, ça, hein, qu'ils mettent au milieu, et Georges Best s'est fait avoir. Au revoir, Jean-Louis. Oui, ce soir, Rock'n'Folk. L'arbitre dit, je n'y vois plus rien. Ouais. Vous comprenez ce geste-là, avec les deux mains comme ça, c'est que vraiment, il est crypté. Il n'y voit plus rien du tout. Dégagement argentin, ils vont bénéficier en plus du lancer en touche, donc ça leur permettra d'attaquer. Ils mènent toujours, me semble-t-il. C'est ça, hein, 6-3. Je crois bien, on revoit cette action. Regardez bien, le ballon est là, tu vois le ballon. Mais regarde le casque argentin, c'est pour les faire douter. Ils savaient, tu vois, c'est les imperturbés. Maradona faisait le ballon. Un soir, merci. Pénalité, on s'en fout ça Jean-Louis, c'est bien, on s'en fout de ce que tu nous racontes Jean-Louis. Donne-nous des photos de ta femme. Sans faute hein, demain, hein, 10h30. Hein. Pourquoi sans Afrique faute Afrique du Sud, Pays de Galles, c'était marqué, demain sans faute. C'est dimanche, hein, effectivement, là normalement, vous n'avez plus d'excuses. Faute demain, pardon. Certains travaillent encore aujourd'hui, mais demain, aucune excuse, c'est le jour du Seigneur et du Soigneur. Alors que là, justement, on montre où il est. C'est plutôt le jour du Seigneur demain, je pense, avec ce 11 septembre, des commémorations terribles, un match de rugby féroce. Ouais, ne prenez pas l'avion. Oh là là, tu parlais d'expulsion temporaire. Eh bien voilà. Voilà le premier Viking, pour nous. Ouais. Le Viking British, fucking man, I am a fucking... Viking Brit. Ah ouais. Dan Cole. Dan Cole. Qui a joué dans Excalibur, je te crèverai. Ouais, on voit qu'il a, il a effectivement des dents spéciales collées. Les dents Cole. Comme son nom l'indique. Elles sont blanches. Je suis stupéfait. C'est pas très bon pour l'Angleterre, ça, de perdre un de ses joueurs importants, puisqu'il est dans le pack. Pendant 10 minutes avec une pénalité à suivre pour les Argentins. Si j'étais eux, je ne l'attendrais pas parce qu'elle est lointaine. Et jusqu'ici, ils n'ont pas été très, très valeureux dans les tirs au pied. Donc j'irai chercher plutôt la touche. Les tirs au flanc, mais les tirs au pied. Les tirs au pudding. Les tirs au flanc, c'est une recette facile à faire. Comment tu fais ? Quelle dire la TVA sur la restauration. Eh oui, sur le tir au flanc, la TVA, elle y est dessus aussi. Alors je ne peux pas donner la recette avec la TVA, c'est trop cher maintenant. Attention à cette pénalité. Pénalité par Argentine qui leur permettrait de prendre 6 points d'écart et de bénéficier d'une Matin supériorité. Matin Rodriguez, hein, le bien nommé. Il est frais. Matin Rodriguez. Oui, il est frais, mais par contre, au niveau buteur, il est pas là. Hein. Non, il bute peu. C'est buteur et pas buteur. Tu vois il vise le panneau. Il débute, il fait le contraire. Il bute. Il visait la télé là-haut, je ne sais pas. Oui, la cam. Il s'est déchiré. La caméra, par contre, la preneuse de son. 9 points perdus quand même par les Argentins. Il ne faudrait pas qu'ils le payent à la fin. Ah. Cuissard. Ah oui, cuisseau. Voilà. Ah oui, cuisseau, hein, Jacques. Cuisseau. Le cuisseau à l'ail. À feu doux. À l'ail et à feu doux. Vous me donnez faim, putain. J'ai le ventre qui gargouille. J'en peux plus. Les ballons est récupéré par les Argentins qui le remettent. Salope toi-même. Jacques, ça va pas. Vous êtes complètement givré, mon pauvre ami. Oui, oh, bataille. Bataille Argentina. Ah, ils l'ont le ballon. Ils l'ont, ils attaquent à fond. Argentina au bout. Un goal d'Argentina. Il le veut parce qu'il le veut bien. S'il te plaît. Et récupération de l'héritage. Le ballon en héritage. Et je me tais car un son arrive là. On a un décrochage. On est dans le tunnel, les gars. On sort du parking. On sort du truc, Jean-Loup. On va au studio, c'est bon. Vas-y, Jean-Loup. On a fini les courses. Récupération anglaise dans la difficulté, ils sont obligés de dégager. Ah, petitement, ils sont pas bien. Ils sont pas bien du tout. Tandis qu'on continue de soigner sur la pelouse. C'est plus un terrain de rugby, c'est le bloc opératoire réuni maintenant. C'est, tout se fait en direct, tranquille. Ouais. À quand la Coupe du Monde de rugby à CEP tendre ? Je pense que ce sera plutôt la Coupe du Monde des médecins, hein, un jour, qui sera organisée tranquillement sur la pelouse. Et oui, là aussi, on le sent. Et oui, le genou, la rotule, le tibia, le perron, Eva Perron. Ouais, ça y a de la casse, il y a de la casse. On enlève le perronné, effectivement. Et nous, est-ce que ça nous permet d'aller chercher un petit jingle on les a mis au frais pour demain. Offrez-nous des jingles, Jim, quand tu veux. J'ai l'impression que nous inspirons quand même l'auditeur qui nous envoie des messages de plus en plus compliqués à lire. Essayez d'écrire en gros, les amis, je suis loin et mon écran est petit. Ah. Vous savez ce qu'on me dit que Dan Cole a mangé trop de caramba. De caramba. Ouais. C'est une marque, non ? Visiblement, oui, je me suis fait avoir, c'était une publicité. On s'est fait déborder. auditeurs ne perdent pas le nord. Et là, on revoit cette action Jean-Louis. Par contre, là, il y a eu quand même action violente. Ouais, hein. Ouais, effectivement. Plaquage en retardement. Et... Terrible plaquage en retardement. Il y a tout démonté. Très dangereux. Ouais, ouais. Alors, j'avais parlé de jingle, c'est refusé, c'est ça? Oui, c'est, bien sûr, la production. Très bien, la production refuse. Oui. Mais là, nous avons un sacré temps mort, les amis. C'est dommage que nous n'ayons pas pu faire de l'autopromotion, ce que nous faisons très bien. Bien, la promo de demain, 10h30, Sporta 733. Ouais, et le barbu s'en fout, là. Ah, il est venu. Le boursier, le trader, ouais. Vous l'avez vu. Dans le United Comdom. Là, nous avons quand même cet animal particulier là qui remue sacrément. Je ne sais pas ce que c'est que cette bestiole. Là, lynx. Ça fait peur. Non. Un lynx. Non. Lynx, ça. Oui, lynx. C'est le lien. Lynx. Lynx. Oui, je ne sais pas. Je vais chercher avec lynx. Ça. Et oui, Jean-Louis, tu as raison de faire des images. Hein, point, hein. En magazine, ouais, Jean-Louis, en magazine, parce qu'on n'en aura pas beaucoup l'occasion. La carte Visa ou ouais, non, c'est que tout le monde est obligé d'avoir maintenant un passeport, des visas. On ne peut plus se balader dans le monde comme avant. Un monde qui a perdu son sens de la liberté. Toi-même, tu fais. Merci Jacques pour cette superbe précision. Et un changement de plus du côté argentin. Ils sont en train de perdre leur pièce maîtresse. Et ça, c'est un petit peu regrettable. Et ça risque d'être dommageable. Je finis tout à table. Oui, peut-être. Mais enfin, on va voir le niveau de remplaçant pour les Argentins. C'est important d'avoir effectivement du turnover, de la rotation. Que je sais. Oui, mais quand tu la décides. Et puis après un certain temps de jeu. Tandis que là, c'est plutôt imposé. Et puis à mon avis, les joueurs qui sont changés ne sont pas prêts de pouvoir rejouer. Tu comprends la différence, Jacques? D'accord. Mais enfin, le rugby, c'est comme un bébé. Non, tu me fais pas chier. En passage. C'est le coup du travail. Non mais. Oh, Argentina. Ouais. Merci. Mi corazón, Argentina, mi corazón, parfois pour toi. Vas-y. Dans les 22 anglaises. Il faudra bien manger à un moment donné. Mangez-moi votre chambre. Ils sont là. Les Argentins progressent. Rappelez-vous, les Anglais sont un de moins désormais dans le pack. Donc s'ils arrivent à se regrouper, à se lier. Eh oui, les Argentins qui ont des blacks et du cœur. Bravo Jacques, mais il n'y a pas de blacks. C'est vrai, il n'y a pas de noirs en Argentine. Ah bon. Excuse-moi, là j'en vois pas. Un petit peu comme au Brésil, on n'aime pas trop les c'est les le couleurs. Racisme, c'est le Racing Club de France qui attaque. Le racisme Club de France aussi qu'on connaît. Cette France qui a du mal à réintégrer des immigrés. À s'accepter ouais. Comme elle est. Argentina Turner. Magnifique avec William Neal dans le Rio. Goal Argentina, là, il a plongé un petit peu trop tôt et en plus il s'est fait secouer la tête une fois de plus. C'est l'Argentino aussi. Mettez-le sur le côté vite parce que là il va avaler la langue si vous ne le bougez pas. Merde. Ça va Coco? Oh là là, qu'est-ce qu'il ramasse lui. Je disais que c'était quand même un jeu dangereux où on peut sortir handicapé de la vie. Ah, là il faut l'aider, là vite. Là il faut faire quelque chose parce que je crois qu'il a pris un coup de genou dans le temple et j'ai l'impression. Oh là là, mais montrez pas ça aux mamans qui ont leurs gamins qui vont s'inscrire à l'école de rugby, là c'est terrible. Ils se font massacrer de partout les Argentins. Ouais, je pense que les mères de famille vont y revoir à deux fois avant de re-regarder ces beaux corps musculeux. Ah oui, non mais là c'est plus le calendrier, là c'est la boucherie, c'est la boucherie généralisée, organisée. Regarde-le l'autre. Et il pompe, Regarde le coup de genou qu'il va prendre. Oh là là, le coup de tête. Oh là encore. Oh, c'est terrible. Ils sont venus le massacrer à deux. Oh oui, ils ont tout démonté la gueule. C'est ici. Il lui fait bouffer les couilles avec. Oh non, c'est vrai. Je me demande, est-ce que c'est pas volontaire? Parce que si c'est volontaire, c'est particulièrement méchant. Ah ouais, là, qu'est-ce qu'il lui a mis, dis donc. La pipe imposée, ça a été. C'est vraiment violent, Coco. Tu étais violent. Je ne connais pas parce que le joueur est toujours. Est toujours non, non, il est groggy, mais non, ça va. C'est mieux que drogué, peut-être. On reprend le jeu, ça va. On est quand même non loin de l'embu anglais. Qu'est-ce que c'est que cette fausse touche? Ça y est. Ah, c'est une raccourcie, Jacques. Ah, ouais, c'est bizarre. On y a une raccourcie. Là, c'est même une compacte. Hein, c'est une touche compacte écologique. Ah, c'était assez amusant. L'onglet. Nous fait rire. Nous sommes déjà à la 38e minute de jeu de cette première période. Toujours 6-3, stérile à mort. Mais 6-3 pour les Argentins tout de même. Et attention à l'onglet hein, qui n'a pas dit son dernier web. Bien évidemment, Jacques, le drop. Oui, la tentative de drop, elle est hyper courte. relance. Rien du tout. On renvoie tout simplement du côté anglais, on essaye d'occuper le terrain. Nous allons rentrer dans la dernière minute cette première période de cette confrontation. On anticipe qui récupère ce ballon. Mais lui, il fallait le massacrer, c'est lui qui est méchant. Ah bon? C'est lui qui a fait ce geste sale, qui a fait bouffer les couilles. Attention à cette balle sortie pour les Anglais qui vont pouvoir se dégager ou jouer, mais j'ai l'impression qu'ils ne sont pas en position aujourd'hui, psychologiquement, mentalement, de pouvoir jouer. Ils doutent. Je vous rappelle qu'ils sont un de moins, certes, mais ils doutent. Et ils sont toujours menés 6-3 par des Argentins. Féroce et de bon teint. Oh, laisse-moi ce morceau, Jean-Louis. Dernière seconde de cette première mi-temps. Sport 731. On reviendra dans quelques instants. Mais les messages affluent de tous les côtés. Je n'arrive même plus, je ne peux plus gérer les messages et commenter le match. Alors, ce n'est plus possible. Oui. Donc, j'approuverai tout à l'heure, je vous lirai en même temps. C'est le chat ici. Ah oui, là. Montre-moi ton chat et ce sera la mi-temps entre les deux formations. C'est ça, hein. Si ça regarde la confusion. Spoilers. Olé. Diffusion, infusion, prévision et révision. C'est la mi-temps. Le temps de l'amitié, le temps de déjeuner, le temps de se laisser aller. On revient. Allez. Bravo. Dam-ba-da-bam. Alors que l'auditeur s'excite sur le site, ils veulent faire bouffer la pelouse aux British, c'est la guerre, c'est terrible. Oui, mais match qui n'a pas été tout à fait à la hauteur des espérances, cap espérance, que nous passerons dans 3 minutes. Attachez vos ceintures. Tout à l'heure. Un jean fuse pour moi. Sportaz, je me sens plus.